mate toutes. Je mate toutes les filles. Je crois sur ma route, le cœur en déroute. Je mate toutes. Je mate toutes. Je mate toutes les filles. Je crois sur ma route, le cœur en déroute. C'est un bon présage. Toutes les voiles sont gonflées. À l'assaut, à l'abordage de son trésor très bien caché. En un instant, je mouille l'encre. Je vais pouvoir l'initier, m'introduire et puis lui prendre sa plus tendre intimité. Sur la carte, mon doigt je pointe, trouver enfin le point G. Petit petit raisin de Corinthe, moi j'ai hâte de le goûter. Voilà, voilà, elle m'inonde. Tout est chaud, tout est mouillé. Je crois bien qu'elle s'effondre. Je suis tout, tout, tout explosé. Je mate toutes. Je mate toutes. Je mate toutes les filles. Je crois sur ma route, le cœur en déroute. Je mate toutes. Je mate toutes. Je mate toutes les filles. Je crois sur ma route, le cœur en déroute. Ce serait dommage de tout laisser tomber pour tourner la page et rester prisonnier. Je défie l'orage. Moi je veux graver sur mon sarcophage ces deux mots: amour, volupté. Je mate toutes. Je mate toutes. Je mate toutes les filles. Je crois sur ma route, le cœur en déroute. Je mate toutes. Je mate toutes. Je mate toutes les filles. Je crois sur ma route, le cœur en déroute. Sur son île, Billy le sage, la tempête est annoncée. L'arc en vie de les amarre. Attention, v'là le raz de marée. Mais l'extase est éphémère et on veut recommencer. Regagner les douces terres et sur la plage enfin se poser. Je mate toutes. Je mate toutes. Je mate toutes les filles. Que je crois sur ma route, le cœur en déroute. Je mate toutes. Je mate toutes. Je mate toutes les filles. Que je crois sur ma route, le cœur en déroute. Ce serait dommage de tout laisser tomber pour tourner la page et rester prisonnier. Je défie l'orage.